Dans l'aspect française, Ethernet haut et court, hein, c'est pareil, un grand écart géographique sur la scène française. Ethernet, tout d'abord, récent groupe de black metal rouennais qui gravite autour de la sphère des sordides et consorts. On est sur un black d'inspiration années 90. C'est froid, c'est cru, c'est direct, et on a vraiment des alternances entre justement des parties ultra violentes et frontales, avec des parties beaucoup plus mélancoliques et même mid-tempo. Voilà, Ethernet, une excellente découverte, et encore une très très bonne sortie studio. Haut et court, ensuite, le groupe de Deathgrain Stars bourgeois qui accuse ses 10 ans d'existence. On est sur un album assez court, 7 titres qui mélangent pêle-mêle du death, du grind, du power violence et du punk. Et voilà, ça plaira forcément aux amateurs de Nezum, Nails, Wormrot et autres formations du genre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces deux formations ? Et bien, Ethernet, l'album s'intitule Silences, il est déjà disponible. On s'écoutera le morceau For the Destitute. Haut et court, l'album s'intitule Collapse et on s'écoutera le titre Embracing the Absurdity. C'est parti, doublette extrême, venue de France. We'll be right back. Le seul titre en pas doublette qu'on s'écoute ce soir, il est dans l'aspect française, il s'agit de Epectaz, la formation qu'on a réintégrée la semaine dernière dans la playlist. Projet parisien de Black Prog, avant-gardiste, actif depuis quelques années seulement, qui sort là son deuxième effort studio. Plutôt prolifique, le gars, il s'agit de Titouan le gars, qu'on a pu retrouver dans Phil Skulls, Acedia Mundi, ex-Osgaliath. Là, voilà, il gère tous les instruments, et il y a un session voix qui l'accompagne, parce que c'est vraiment lui qui pense, c'est Titouan qui pense tous les morceaux. Toujours une musique très ambitieuse, très riche, avec des sonorités et des ambiances ultra développées. 4 titres pour 45 minutes, hein, donc on est autour d'une dizaine de minutes minimum par morceau. Voilà, c'est très riche, c'est très varié, mais ça reste très très cohérent et très solide. Donc une fois de plus, une version réduite du titre qu'on va vous diffuser ce soir, un petit editing dessus. Donc on vous invite bien sûr à vous procurer l'album pour pouvoir écouter ce morceau en entier. Et sinon, il sera disponible dès demain soir sur la version podcast, parce que là, on intègre les morceaux en entier. Epectaz, l'album s'intitule Necrose, c'est une sortie sur la belle nantais Frozen Records, et on s'écoutera la version un peu réduite de Désillusion. C'est parti. We'll be right back. Et c'est déjà l'heure de clôturer l'aspect française pour l'émission de ce soir. Aspect française qu'on va clôturer tout en violence, avec tout à l'heure bon, des groupes qui nous du grand sud-ouest, là des groupes qui nous viennent du très grand est. Encore une fois, je violente un peu la géographie française. Catalyst tout d'abord, le groupe de Tech Death qui nous vient de Metz, actif depuis 2016. Ils sortent là leur second album studio. C'est généreux, toujours la musique de Catalyst, hein, ne serait-ce qu'au niveau des morceaux, 10 titres pour environ 1 heure de son. Destek, typiquement français, c'est brutal, avec des éléments un peu plus mélodesses, un côté complexe et fouillé, même vous verrez dans les sonorités et dans le son global, c'est très français et très qualitatif cependant. Ran, ensuite, trio lyonnais qui sort son premier album studio via Lixiviate Records et plein d'autres labels, dont Bizarre les Prousses, le label d'Europe de l'Est. On est sur un mix Death Grind, un peu punk, un peu 10 beats, 14 titres, avec là par contre des titres très brefs, hein, autour de 1-2 minutes. C'est court, c'est direct. Au niveau du line-up, on retrouve des membres de Civilian Thrower, La Hesse ou encore Salo, pour vous peindre un peu le décor et les horizons musicaux d'où viennent les différents membres de Ran. Catalyst Worms and Locust, extrait de l'album Different Painting for a New World. Ran ensuite Till the End of Boredom, extrait de l'album Atrabilar. Et c'est parti pour clôturer l'aspect française de ce soir. We'll be right back. Et mine de rien, on approche déjà tranquillement de la fin de l'émission de ce soir. Il nous reste encore trois petites doublettes à s'écouter. Donc retour à la diff internationale avec tout d'abord Acid Witch, le groupe de Doom Death Ricain qui nous sort toujours un album tous les 4-5 ans autour de Halloween. Ce nouvel Fortuno d'Acid Witch ne dérogue pas à la règle et puis après ça reste toujours ultra plaisant et bien foutu. Toujours un petit plaisir à s'écouter Nouvelle et Fortune de Acid Witch, Rat Among Us, une sortie Headbangers Records, et en doublette Conquest, ça c'est une formation pareille qu'on vous a rentrée dans la playlist assez récemment. Une formation de Revival Heavy qui nous vient d'Italie, ils sortent là leur second album studio. Pure inspiration des années 80 avec en tête de liste la scène hard rock qui nous venait aussi bien des vieux Scorpions que des vieux Thin Lizzy. Rien de neuf, mais la recette est bien maîtrisée et surtout bien renvoyée. C'est tubesque comme il faut, avec la petite inspiration qui va bien par-dessus pour se distinguer de la masse des formations de Revival. Acid Witch, Psychedelic Swamposis, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Conquest ensuite, le titre A Place, extrait de l'album Call Home. Time and Tyranny, une sortie No Remorse Records, c'est parti. We'll be right back. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, Implore Fightus. Implore, tout d'abord, est-il nécessaire de présenter cette extraordinaire formation germano-autrichienne, active depuis une dizaine d'années, qui nous balance un putain de blackened grindess légèrement crusty sur les bords, un peu à la sauce Hans to Host Trap Them, une prod ultra puissante et chirurgicale. Voilà, ça met vraiment vraiment en valeur la puissance de feu sonore de Implore. Et ensuite Faetus, je pense qu'on peut faire un petit jeu de mots sur la présentation Fetus même, puisque c'est un quatuor entièrement féminin qui nous vient de Los Angeles, actif depuis seulement 3 ans. Après un premier EP, elles sortent là leur premier album studio longue durée. On est sur un doom plutôt atmo, parce que doom gaze dans le style. Au niveau des parties vocales, on est sur des nappes assez clean et ponctuellement des parties bien rappeuses, gradingues, assez proches du sludge. Voilà, une musique planante et écrasante à la fois. Et ça reste assez riche pour faire passer le côté massif et presque redondant des tempos, mais qui donne une ambiance, un rendu hypnotique. Implore, on s'écoutera le type archétype extrait de l'album The Burden of Existence. Faetus ensuite, Echolalia, extrait de l'album Remnants of the Vessel. C'est parti. Yeah! Et voilà une clôture d'émission avec une dernière doublette tout en violence et en puissance avec une toute dernière nouveauté pour clôturer l'émission de ce soir. Mais tout d'abord Trinitas, trio black qui nous vient à la fois de Suisse et d'Allemagne, qui avait sorti un premier EP en 2019. Là on est sur un premier véritable album, petit All-Star Band, hein, puisqu'on retrouve un des fondateurs de Dark Fortress, Azathos. Voilà, il a été membre de Dark Fortress de 1994 à 2007, du guitariste-bassiste Verger, qui ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans Nagelfar, et du batteur Tormentor, qui cogne notamment dans Asphyx et qui est passé par Sodom et autres Disaster. Des vétérans de la scène extrême européenne qui nous balancent un pure black typé années 90, bien primitif et violent. C'est pas neuf, mais c'est fait avec les tripes et ça suffit pour qu'on y croit et que ça soit vraiment efficace. Et pour clôturer l'émission de ce soir, dernière nouveauté, Casket Rubbery, groupe de death ricain actif depuis une douzaine d'années, qui sort là son second album studio. On est sur un death brutal groovy, qu'on pourrait rapprocher d'un Jungle Rot, par exemple, pour les sorties dans le style de cette année, avec un soupçon de vieux death mellow par-dessus. Donc voilà, un cocktail plutôt efficace. Et puis la petite touche death mellow, on la retrouve également au niveau de la vocaliste, puisque le timbre de voix n'est pas sans rappeler celui d'une certaine Angela Gossow au tout début de son arrivée dans Arch Enemy. Voilà donc Trinitas, Pyroclastic Crucifixion, extrait de l'album Total Heresy. Casket Rubbery pour clôturer l'émission de ce soir. Warm Food, extrait d'album Ritual of Death. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission qui cette fois devrait être en direct. Ciao ciao.